Chapitre 18e. La maison louée par René était située à l'entrée du village et à la lisière du bois. Enfouie à demi dans un verger plein de cerisiers et de framboisiers, elle se trouvait complètement isolée des habitations voisines. Les fenêtres du rez-de-chaussée disparaissaient sous un voile de plantes grimpantes et fleuries. Celle du premier s'ouvrait sur un horizon disposé à souhait pour apaiser le cœur et réjouir les yeux. À droite, les molles frondaisons de la forêt se répandaient en cascades de feuillets vert chabi, puis, se relevant brusquement, moutonnaient par grandes masses jusque dans la direction de Villebon, offrant au regard toute la gamme des verts. Dans les fonds, de légères vapeurs, flottant comme des fumées, marquaient l'emplacement des étangs de l'Ursine, tandis que çà et là, d'étroites clairières se creusaient dans l'épaisseur du taillis, étalant parmi la jeune verdure les plaques d'or de leurs genêts en fleurs. À gauche, s'étendait la plaine, couverte de seigles déjà épiés, dont les bagues frissonnantes d'un vert argenté ondulaient doucement autour des pommiers trapus aux têtes blanches et roses. Quand, au lendemain de son arrivée, Angèle ouvrit sa croisée et contempla cette nature printanière baignée de soleil, un cri de joie s'échappa de sa poitrine et des larmes lui montèrent aux yeux. Les alouettes planaient au-dessus des seigles. Dans les halliers voisins, les fauvettes rossignolaient et du fond des gorges boisées, l'appel sonore du coucou arrivait par intervalles. Un confus bourdonnement d'insectes épars dans les ronces et les herbes formait une base joyeuse à ce concert des maîtres chanteurs de la forêt. Et à travers cette musique tantôt rêveuse, tantôt passionnée, l'air matinal apportait la fine senteur des fleurs de pommier mêlée à l'odeur plus pénétrante des merisiers épanouis. Il semblait à Angèle qu'elle venait de renaître dans un autre monde. Les souvenirs de l'hôpital s'en allaient l'un après l'autre de son esprit, chassés par le vent parfumé qui caressait ses cheveux et dilatait ses narines. Elle éprouvait cette sensation qu'on a dans la montagne quand le brouillard se dissipe et que les nuages emportés par l'ambeau laissent voir des coins d'un bleu immaculé. Le bleu, pour Angèle, c'était l'amour de René. Elle croyait maintenant à la solidité de sa tendresse avec une foi enthousiaste. Son adoration d'autrefois pour le talent du poète était doublée d'un profond sentiment de reconnaissance. Ne l'avait-il pas sauvé? Pendant un mois, n'avait-il point passé toutes ses matinées à la salpêtrière, veillant sur elle, épiant la minute où il pourrait l'entrevoir, supportant avec résignation les rebuffades du médecin, lui si fier et si emporté? Il ne lui vint pas un seul instant à l'esprit que Joseph Toussaint pût réclamer une bonne part de ce dévouement. L'amour est exclusif et ingrat, et le pauvre Joseph fut tout d'abord oublié. Le même soir, il est vrai, lorsqu'il parut à Vélizy, elle le remercia avec la grâce qu'elle mettait à toute chose. Cet accueil enchanta Toussaint qui se contentait de peu. Heureusement, il ne fut pas témoin de la réception faite à René quand à son tour celui-ci accourut à Vélizy. Il ne vit pas le passionné serrement de main qui accueillit des armoises quand, poussant la porte de la salle à manger, il parut dans un rayon de soleil, un brin de muguet à sa boutonnière, l'œil brillant, les lèvres souriantes, beau comme un dieu de l'Iliade. Surtout, Joseph n'entendit pas ces mots à peine articulés, quand Angèle murmura presque dans l'oreille de René en se penchant vers lui « Je vous aime ». Le « merci, mon bon Joseph », avec lequel la jeune fille avait pris congé de Toussaint, était peu de chose auprès de tout cela. Mais ces quatre mots avaient suffi pour dilater le cœur du brave garçon. Dans le cabinet de travail de son sénateur, tout en arrondissant les périodes d'un discours sur les tendances matérialistes de l'enseignement scientifique, il se répétait cette courte phrase et lui trouvait une douceur non pareille. Avec la légère empreinte de quelques plantes sur un bloc de houille, les savants parviennent à reconstruire toute la flore préhistorique. De même, avec cette simple phrase, Joseph arrivait à réédifier tous ses châteaux en Espagne du temps de Bay. Maintenant qu'Angèle avait quitté ce triste monde du théâtre, il s'agissait de ne l'y plus laisser rentrer, et pour cela il lui fallait trouver une position sûre et honorable. Or, cette sécurité ne la rencontrerait-elle pas en devenant la femme d'un certain Joseph Toussaint, qu'un pareil événement ferait monter du coup au septième ciel? S'il n'était pas riche, il était du moins à l'abri du besoin, et il avait assez de ressources dans l'esprit, assez de courage au cœur, pour se venir convenablement à l'entretien de sa femme et de ses enfants. Ses enfants, les enfants d'Angèle. Sa poitrine se gonflait. Une subite rougeur lui couvrait les joues. Oui, ce serait pour lui le bonheur et pour elle la santé et la paix. Le moment était opportun. L'aventure misérable de la salpêtrière avait dû dégoûter Angèle de sa vocation théâtrale et guérir Madame Sénéchal de ses chimères ambitieuses. Il fallait battre vigoureusement le fer et oser adresser une proposition à la jeune fille. Oser, là était la pierre d'achoppement. L'audace ne figurait point parmi les qualités maîtresses de Joseph. Et à la seule idée d'entrer dans la maison de Vélizy pour ouvrir son cœur à Angèle, il était pris d'un frisson. « Ah » murmura-t-il, « si seulement j'avais l'aplomb et la langue dorée de René des Armoises !» Cependant, on continuait de s'installer gaiement à Vélizy. Grâce aux économies de Toussaint, le ménage marchait sans embarras. On avait pris une femme de journée pour les gros ouvrages. Madame Sénéchal, qui s'entendait fort bien en cuisine, s'était réservé le département des approvisionnements et des préparations culinaires. La vie coulait ainsi doucement. Au bout de la première semaine, Angèle avait déjà repris les couleurs et retrouvé sa bonne santé. Elle ne parlait du théâtre que de loin en loin, ne récitait plus que les vers de René, et proclamait que depuis longtemps elle ne s'était sentie aussi heureuse. Madame Sénéchal montrait un enthousiasme plus modéré. Les choses du village avaient pour elle peu d'attrait. La marche la fatiguait. Elle vivait dans une continuelle terreur des chenilles, des perce-oreilles et des araignées. Et souvent, dans son langage meusien, elle déclarait que la vie de campagne était fuge, c'est-à-dire souverainement plate et insipide. Elle regrettait le bruyant remue-ménage des rues de Paris, les flâneries du soir le long des magasins illuminés, les captages dans la loge du concierge, les romans du cabinet de lecture, les soirées passées dans un théâtre de mélodrame ou de féerie. Elle avait continué ses travaux de couture et quand la nostalgie la prenait trop fort, elle prétextait de ses relations avec les maisons de lingerie pour faire une fugue rue de Rennes. René, au rebours, déclarait que l'odeur de l'asphalte des boulevards lui donnait des nausées par ce beau soleil de mai. Aussi le trouvait-on souvent sur la route de Versailles. Il avait loué un cheval et gagné Vélizy à travers bois. Angèle, chaque jour, venait à la même heure l'attendre à la porte du verger. Elle reconnaissait de loin le trot de son cheval. Tout à coup, elle le voyait déboucher au galop dans la grande allée bordée de chèvrefeuilles sauvages et son cœur, à son tour, prenait le galop. Son sein se gonflait, elle devenait rouge et se cachait derrière les massifs pour ne point laisser voir tout d'abord à quel point elle était émue. À peine René était-il arrivé qu'on partait pour la forêt. On suivait dans la direction de Viroflay des avenues ombreuses, tapissées d'un court gazon moussu, doux au pied et à l'œil. Parfois, quand son sénateur lui donnait la clé des champs, Joseph était de la partie. Il avait dans les bois des effusions enthousiastes dont le naturalisme inconscient contrastait plaisamment avec ses croyances religieuses. Le printemps le grisait. La végétation plantureuse des talus, plein de hautes herbes, débordant de floraisons roses, blanches ou dorées, lui donnait, disait-il, des éblouissements d'âme. Il s'attendrissait devant ses formes charmantes, en face de ses expressives physionomies de fleurs. « Oh, mes amis !» s'écriait-il dans ses élans lyriques. « Quelle couleur et quelle musique de fête !»« Tous ces oiseaux sont-ils là comme un orchestre pour célébrer la noce des fleurs ? Ou bien les fleurs, pareilles à ces tapis bariolés qu'on étend aux jours fériés, n'en sont-elles rassemblées que pour célébrer les noces des oiseaux ?» Angèle et René se regardaient en souriant et restaient silencieux. Mais si on les eût pressés un peu fort, ils auraient volontiers avoué que toute cette floraison et toute cette musique étaient là réunies pour fêter leur propre amour. Quand Joseph manquait à l'appel, les deux amoureux se promenaient avec Madame Sénéchal entière, en flèche, comme disait René dans son langage irrévérencieux, mais c'était un chaperon peu gênant. Elle n'avait pas fait 10 pas qu'elle s'asseyait au pied d'un arbre, ouvrait un roman et s'y absorbait. Alors les deux jeunes gens, laissés à eux-mêmes, savouraient le charme d'être seuls au milieu de cette magnificence printanière. Tout invitait à l'amour pendant cette tiède journée de mai. L'air d'une douceur fondante, le ciel d'un lumineux assourdi, la neige parfumée des aubépines, la laine exquise des aspérules et des muguets épars sous les retombées ombreuses des hêtres. On s'en revenait au soleil couchant avec de grosses bottes de fleurs qui sentait bon et qu'on arrangeait à la maison dans de grands vases de grès, tandis que le dîner s'apprêtait. Puis on se mettait à table dans la petite salle à manger, où les framboisiers et les chèvrefeuilles du jardin poussaient leurs branches jusque sous les rideaux de la fenêtre. Une fois la nuit venue, on s'asseyait la croisée ouverte sur la plaine et on regardait les étoiles poindre dans l'azur assombri. René expliquait à Angèle la place et le nom des constellations qui apparaissaient successivement dans le ciel. Pendant ce temps, les grillons chuchotaient dans les blés, et Madame Sénéchal, ayant fini par s'assoupir, la main du poète s'emparait de celle de la jeune fille, et cette délicieuse étreinte eût duré toute la nuit si la bonne dame, s'éveillant en sursaut, n'avait rappelé à René que l'heure du dernier train approchait. Chose étrange, en dépit de ces enivrements printaniers et de l'intimité plus étroite de cette vie en plein bois, l'amour de Désarmoise se montrait moins audacieux et plus patient qu'à Paris. Un secret et indéfinissable sentiment de délicatesse semblait modérer la fougue de sa nature exigeante et passionnée. En laissant trop éclater la violence de ses désirs, il craignait d'avoir l'air de réclamer le prix des légers sacrifices qu'il avait faits pour Angèle. Il trouvait cela d'une vulgarité affreusement bourgeoise. La pensée seule qu'on peut le croire capable d'un calcul aussi mesquin révoltait sa fierté et contenait ses emportements. Lui qui professait d'ordinaire un souverain mépris de la modération dans le plaisir, il se contraignait à boire son bonheur à petites gorgées. Par un contraste piquant, la libre vie de la campagne avait donné à Angèle un redoublement d'expansion. Sa nature aimante et confiante reprenait le dessus. Sans arrière-pensée, ingénument et imprudemment, elle prodiguait à René toutes les menues tendresses, toutes les enfantines familiarités pouvant le convaincre qu'elle se regardait bien comme sienne et à tout jamais. Les serments de main à travers les fleurs cueillies à poignées, les baisers accordés au tournant d'un sentier, les regards mollement et longuement fondus l'un dans l'autre se succédaient, pareil aux anneaux aimantés d'une chaîne enveloppant insensiblement et toujours plus étroitement ce couple en plein ferment de jeunesse. Fatalement, cet amour étourdi et naïf d'une part, impétueux et mal contenu de l'autre, suivait une marche ascendante, et l'on pouvait d'avance calculer l'heure où les deux amoureux, arrivés au sommet, glisseraient à leur insu sur les pentes peu sûres qu'on ne peut plus remonter. Un soir de la fin de mai, Joseph et René étaient restés à dîner. Madame Sénéchal, plus désœuvrée que d'habitude, se plaignait amèrement de la vie de recluse qu'elle menait et de l'ennui de ses longues soirées au milieu des bois. « Voulez-vous aller au théâtre demain ?» lui demanda René. « On m'a donné une petite loge que je mets à votre disposition. » La mère Sénéchal accepta avec empressement. « Je t'y emmènerai, » dit-elle à Angèle. « Tu te rouilles dans cette campagne et il est bon que tu reprennes l'air du théâtre. » « Non. » répondit la jeune fille, « je préfère prendre l'air de la forêt. Je me suis accordé 3 mois de vacances avant de faire une nouvelle tentative pour obtenir un engagement. Ne me parle pas de théâtre jusqu'à l'automne. Tu trouveras bien à Paris quelqu'un pour t'accompagner au spectacle. Moi, je garderai le logis. » La bonne dame objecta qu'Angèle ne pouvait rester seule dans cette maison isolée, mais celle-ci, pour la rassurer, promit d'y faire coucher la femme de ménage, et ce dernier obstacle étant aplani, il fut convenu que Madame Sénéchal partirait par l'un des premiers trains du matin. Le lendemain, tandis que le train de 11 heures emportait vers Paris la mère d'Angèle, toute joyeuse et endimanchée, René galopait gaillardement à travers bois dans la direction de Vélizy, heureux de pouvoir passer une pleine journée en tête-à-tête avec la jeune fille. Il résolut de la surprendre et laissant son cheval à l'écurie du restaurant de Villebon, il fit le reste de la route à pied. Arrivé près de la maison, il poussa discrètement à la porte du verger, marcha sur la pointe des pieds vers la salle à manger et trouva Joseph Toussaint installé sur un grand divan de cretonne en face du dressoir où Angèle était en train d'éplucher des fraises.